إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 55 dans le livre de Kitab al-Mulakhas al-Fiqhi, et on est encore dans Kitab al-Hajj, et c'est en fait le dernier chapitre dans Kitab al-Hajj. Le titre c'est Babun fi Ahkam al-Aqiqa. Donc un chapitre au sujet des règles qui ont rapport avec l'aqiqa. Et on va expliquer ce que c'est l'aqiqa dans quelques instants, inshallah. Mais avant ça, on va continuer à lire les paroles du Cheikh Salih Al-Fawzan. Donc le Cheikh il dit: Al-aqiqa min haqq al-walad ala walidih wa hiya al-dhabiha allati يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابته الكرام، فكانوا يذبحون عن أولادهم وفعله التابعون. Le cheikh il explique que al-aqiqa c'est quoi? C'est en fait al-aqiqa, c'est un droit qu'un enfant a sur son père, et c'est qu'il sacrifie pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala un animal pour son fils. Et c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour al-Hassan et al-Hussein, comme ça a été rapporté par Abu Daoud et d'autres. Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, qui expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Et également, les Sahaba l'ont fait, de même que les Tabi'oun, ils faisaient un sacrifice pour leurs enfants. C'est-à-dire, ils faisaient un sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs enfants. الشيخ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لما رواه الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال ابن القيم: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه. Le cheikh explique que certains parmi les ulama ont même dit que c'est obligatoire de le faire, en se basant sur ce qui a été rapporté par Al-Hassan selon Samura, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant et l'otage de sa aqiqa. Donc c'est comme si chaque enfant est pris en otage par sa aqiqa. Et c'est rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et l'imam Ahmad a expliqué que ça signifiait qu'en fait, il est pris en otage par rapport au fait qu'il doit faire une shafa'a pour ses parents au jugement dernier. Il devra intercéder pour ses parents au jugement dernier. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, il a expliqué que lorsqu'on fait l'aqiqa, ce sera un, disons, une cause pour que l'enfant soit bien et qu'il ait un bon comportement. Le Cheikh il dit « والصحيح أنها سنة مؤكدة ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود وفيها تقرب إلى الله تعالى وتصدق على الفقراء وفداء للمولود. » Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est à dire à ce sujet-là, c'est que c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna qui a été confirmée et qui est constante, que le prophète sallam a appliqué, et il dit que de sacrifier un animal pour lorsque l'enfant est né, que ce soit un garçon ou une fille, c'est mieux que de donner une sadaqa par rapport au prix de l'animal. Donc c'est mieux de sacrifier l'animal vraiment que de donner en sadaqa le prix du sacrifice. Et en fait, c'est une forme de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il a renouvelé ses grâces et ses bienfaits sur nous et sur les parents, bien entendu, sur les parents qui ont eu ce nouvel enfant. Et en fait, c'est une façon de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est un genre d'aumône qu'on fait pour les pauvres en échange pour l'enfant qu'on a reçu. Et le cheikh il dit « وَمِقْدَارُ مَا يُذْبَحُ عَنِ الزَّكَرِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَانِ سِنًّا وَشُبْهًا وَعَنِ الْأُنْثَى شَاتٌ وَاحِدَةٌ لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها. Donc le cheikh il dit que la quantité ou la quantité de moutons qu'on doit sacrifier pour la aqiqa, si c'est un garçon, on sacrifie deux moutons, deux brebis d'âge presque la même, c'est-à-dire les deux brebis doivent être à peu près la même âge et se ressembler un petit peu. Et si c'est pour une fille, c'est une seule brebis, et si c'est pour un garçon, c'est deux brebis. Et ça c'est rapporté dans un hadith de Kirz al-Ka'biyya, qu'elle a dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que pour le garçon c'est deux brebis, et pour la fille c'est une brebis. Donc ça c'est rapporté selon Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Donc c'est ça. Et aussi ça fait partie des hadiths d'Aisha radiyallahu anha. Et ensuite le Cheikh il dit Wal-Hikmatu fil-Farq bayna al-Zakari wal-Untha fi miqdar al-Aqiqa annaha ala النصف من أحكام الذكر والنعمة على الوالد بالذكر أتم والسرور والفرح به أكمل كما فكان الشكر عليه أكثر. شيخ الزيلة سجاس du fait qu'on distingue entre le garçon et la fille, entre le mâle et la femelle quand on a un enfant, dans la quantité de la aqiqa, c'est parce que les règles en général qui concernent dans certaines règles, dans plusieurs des règles de l'islam, comme l'héritage et d'autres, eh bien, la femme a la moitié de ce que le garçon, la fille a la moitié du garçon, de ce que le garçon reçoit. Donc, c'est une des explications. Et aussi que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les enfants est plus complète par rapport au garçon que par rapport à la fille, et la joie et le bonheur est plus grand aussi, donc le remerciement doit être plus grand également. Et le cheikh il dit au وقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز. Le cheikh il dit que le moment ou le temps pour sacrifier l'aqiqa, il faut que ce soit le septième jour de la naissance de l'enfant. Mais il dit que si tu le fais avant le septième jour ou après, c'est permis. والأفضل أن يسمى في هذا اليوم ففي السنن وغيرها يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع. Le cheikh il dit que le mieux, qu'est-ce qui est préférable, c'est de donner à l'enfant son nom ce jour-là, comme c'est rapporté dans les sunan, comme par exemple un hadith qui dit qu'on doit sacrifier pour l'enfant le septième jour et on doit aussi lui donner son nom. Et si quelqu'un lui donne son nom le jour de sa naissance, il n'y a pas de problème. Mais pour certains ulama, c'est mieux de donner le nom à l'enfant le premier jour que le septième jour. Après, le cheikh il dit wa yasunnu wa yusannu tahsin al-ism لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون بأسمائكم أسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. Ça c'est rapporté par Abu Dawud et par Ahmad et par Ibn Hibban également. Ça dit que il faut choisir un beau nom pour nos enfants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous faites appeler par vos noms et le nom de vos pères, alors choisissez des beaux noms, hein, choisissez vos noms et choisissez des beaux noms. Et ensuite le cheikh dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu al-ism al-hasan wa yuharrimu ta'biduhu li ghayrillah كأن يسمى عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك وحاشا عبد المطلب لأنه إخباره كبني عبد الدار وعبد شمس ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وتكره التسمية بالأسماء الغير المناسبة كالعاصي وكليب وحنظلة ومرة وحزن وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن. قال صلى الله عليه وسلم إن أحب أسماءكم عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وغيره وغيره. فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود وتجنب الأسماء المحرمة المكروهة لأن ذلك من حق الولد على والده. Donc le cheikh ici il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم aimait les beaux noms et il interdisait d'utiliser le nom de Abd, excepté pour autre. Il interdisait d'utiliser le nom de Abd, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de s'appeler Abdullah ou Abdurrahman, mais pas d'utiliser le nom, le titre de Abd pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme certains parmi des musulmans qui s'appellent Abdul Kaaba, le serviteur de la Kaaba, ou Abdul Nabi, l'esclave du prophète, ou l'esclave du Messie, ou l'esclave de Ali, ou l'esclave de Al-Hussein, comme les Shia. Ça donne souvent ce nom-là, Abdul Hussein, Abdul Hassan, Abdul Hussein, Abdul Ali. Pas Abdul Ali, Al-Ali c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais Abdul Ali, c'est-à-dire le serviteur de Ali. Donc, Al-Ali, ça veut dire le Très-Haut. Donc, ça c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut distinguer entre les deux. Et le Cheikh, il mentionne les paroles d'Ibn Hazm, rahimahullah, qui dit que les savants sont d'accord pour interdire tout nom dans lequel il y a Abd devant pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme Abd Omar ou Abd al-Kaaba et des noms de ce genre. Il y a des gens comme ça parmi les musulmans qui sont ignorants qui donnent ce nom-là à leurs enfants. Et excepté Abd al-Muttalib, il dit que ça c'est pour donner une information à propos de لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد الدار وبني عبد الشمس وليس من باب إنشاء التسمية بذلك. C'est-à-dire ces noms-là, c'est les noms de la jahiliya, et ça c'est juste pour donner une information par rapport à comment les gens s'appelaient, comment ces gens-là s'appelaient avant l'islam, et c'est pas pour dire aux gens que c'est permis de le faire, de s'appeler comme ça. Et le cheikh il dit aussi que c'est détestable de donner des noms qui ne sont pas convenables, comme par exemple d'appeler son enfant Asi, c'est-à-dire pécheur, ou quelqu'un qui fait des péchés ou qui désobéit à Allah, ou qui désobéit tout court, ou petit chien, Kuleib, ou bien Hamdala, ou bien amer, ou tristesse. Appeler des enfants par des noms comme ça, c'est quelque chose de détestable. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait les mauvais noms, les noms qui sont laids, ou les noms qui impliquent des personnes mauvaises, ou des choses, des endroits mauvais aussi. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les plus beaux noms, le plus beau parmi vos noms, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est Abdullah et Abdurrahman. Ça s'est rapporté selon Muslim et d'autres également parmi les savants de hadith comme Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc il faut bien choisir le nom de l'enfant et il faut s'écarter de tous les noms qui sont haram ou détestables, parce que ça c'est le droit du père sur c'est le droit de l'enfant sur son père d'avoir un beau nom. Après le cheikh il dit wa yujzi'u fil aqiqa ma yujzi'u fil adha fil udhiya min haythu as-sin was-sifa fa yakhtaru as-salima min al-'ayb wal-amrad wal-kamilatu min fi khilqatiha al-munasiba fi sinniha wa samaniha wa yustahabu an ya'kula minha ويهدي ويتصدق أثلاثا كالأضحية. Le cheikh il dit que il dit que qu'est-ce qui est bien de sacrifier pour sacrifice pour l'aqiqa, c'est les mêmes règles que pour le sacrifice dans le Eid, dans l'âge et dans la description, c'est-à-dire il faut qu'il soit comme c'est décrit, qu'il ait au moins un an pour la brebis, et il faut qu'il choisisse celle qui est exempte de tout maladie et de tout défaut, et qui est complète, qui manque pas un membre ou une partie. Et ça c'est les conditions que la bête doit avoir, et c'est recommandé aussi d'en manger et d'en donner à d'autres, et de séparer en trois parties, la même façon qu'on fait pour le sacrifice de l'Aïd. C'est-à-dire, on donne une partie, on donne une sadaqa avec l'autre partie, et on mange une partie. Et le cheikh il dit وتخالف العقيقة تخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم فلا تجزئ فيها بدنا ولا بقرة إلا كاملة لأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك ولم يرد فيها التشريك بل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. Le cheikh explique que la différence entre l'aqiqa et le sacrifice de l'Aïd, c'est que il n'accepte pas qu'on, c'est-à-dire c'est pas accepté qu'on partage, qu'on se partage le sang de cet animal, dans le sens que dans le sacrifice de l'Aïd, des gens peuvent se mettre ensemble pour égorger une vache ou un chameau jusqu'à 7 personnes, tandis que pour l'aqiqa, c'est pas permis. Et si quelqu'un veut égorger une vache, il doit l'égorger en entier. Il peut pas accepter qu'il ait quelqu'un qui partage avec lui dans cet animal. Et ça n'a pas été mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté des partenaires dans ce genre de aqiqa, de même que les sahaba également. Cheikh il dit ensuite وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشأه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان على ما كان عوده أبوه فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك ولهذا تجد بعضا أو أكثر من أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشأوا عليها فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء. Le cheikh explique que c'est très important de s'occuper de l'état et de la situation des enfants du nouveau-né et de faire en sorte qu'il soit bien élevé, qu'il ait un bon comportement. Hein, et le fait de s'occuper de son éducation comme il faut, ça va faire en sorte qu'il va avoir, inshallah, un bon comportement et qu'il va être bien dans la, qu'il va grandir comme il faut, Inch'Allah, sur le bon comportement et dans le droit chemin. Donc l'enfant a besoin qu'on s'occupe de lui en ce qui concerne son comportement pour lui donner une bonne éducation et lui donner des bonnes habitudes, parce que l'enfant, il grandit sur les choses auxquelles il a été habitué par son éducateur. Et le cheikh, il dit que l'enfant, donc, comme le poète a dit, il grandit sur ce que son père l'a habitué de faire. Et le cheikh il dit que si on laisse l'enfant grandir, par la suite c'est très difficile de lui donner des bonnes habitudes. Mais si on commence quand l'enfant est tout petit, eh bien on va trouver que cet enfant, inshallah, va être avec des bonnes manières, des bonnes habitudes. Donc c'est ça. Si tu laisses tes enfants, donc le cheikh il dit c'est pour ça il faut faire attention que parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent leurs enfants aller avec des gens qui donnent une mauvaise éducation à leurs enfants et ça les amène à avoir un comportement dévié par la suite ou déviant. فيجب أن يجنب الطفل مجالس السوء واللهو والباطل وقرناء السوء. C'est ça. Il faut écarter les enfants des endroits où les gens se réunissent, où il y a des mauvaises paroles et des mauvais compagnons. ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة. فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ بها غالب البيوت إلا من رحم الله إلا من رحمه الله فيجب الحذر من ذلك كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة وبالجملة يجب على والد الطفل المتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. Le cheikh il dit qu'il est obligatoire aussi que la maison dans laquelle cet enfant l'a grandi soit une maison de justice et de piété hein, et de bonté. Et là, il dit que la maison, elle est au même niveau que l'école. En fait, c'est la première école pour l'enfant. Et donc, il y a dedans les parents et les membres de la famille. Et donc, il faut éloigner les enfants des moyens de corruption et tout ce qui peut corrompre les enfants, en particulier à notre époque où il y a beaucoup de moyens pour faire circuler le mal comme la télévision et la musique et d'autres choses de ce genre. Donc il faut éloigner toutes ces choses-là qui sont mauvaises de nos maisons. Et il dit que la plupart des maisons, malheureusement, ils ont ces moyens de corruption dedans. Illa man rahim Allah, yani excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde parmi ses serviteurs. Et donc il faut être faire très attention. De même qu'il est obligatoire d'élever les enfants dans l'adoration et l'obéissance et dans le respect de la religion et le respect du Coran et de l'amour du Coran. Et ça c'est un des plus grands moyens d'avoir le bonheur dans la dunya et dans l'akhira. Et en général, le père doit faire en sorte que yani, il donne un bon exemple à son enfant pour son comportement et ses habitudes, yani, etc. Donc le père, c'est lui qui doit donner le bon exemple, yani, et les parents en général. Et donc Allah donne à tous le succès pour qu'ils puissent faire ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Et donc ça c'est la fin de Kitab al-Hajj, on a terminé inshallah. Le prochain chapitre c'est un petit chapitre qui s'appelle Kitab al-Jihad qui n'est que de quelques pages. Donc on va pouvoir même le terminer dans un seul cours inshallah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.